Je te veux dire une belle fable, c'est à savoir du lion et du rat. Cestui lion, plus fort qu'un vieil verrat, vit une fois que le rat ne savait sortir d'un lieu, pour autant qu'il avait mangé le lard et la chair toute crue. Mais ce lion, qui jamais ne fut gru, trouva moyen et manière et matière, d'ongles et dents, de rompre la ratière, dont maître rat échappe vitement, puis mit à terre un genou gentiment, et ôtant son bonnet de la tête, à remercier mille fois la grande bête, jurant le dieu des souris et des rats qu'il lui rendrait. Maintenant, tu verras le bon du compte. Il advint d'aventure que le lion, pour chercher sa pâture, saillit dehors sa caverne et son siège, dont par malheur se trouva pris au piège et fut lié contre un ferme poteau. À donc le rat, sans serpe ni couteau, y arriva joyeux et ébaudi, et du lion, pour vrai, ne s'égaudit. Mais dépita chat, chattes et chatons, et prisa fort rat, rates et ratons, dont il avait trouvé tant favorable, pour secourir le lion secourable, auquel a dit « Tais-toi, lion lié, par moi sera maintenant délié. Tu le vaux bien, car le cœur joli a. Bien y parut quand tu me délias. Secouruma fort lionneusement, or secouru sera rateusement. »